doit être début septembre, car j'entends les enfants crier. Ça fait pas longtemps, il me semble, pourtant une éternité. C'était hier mon mois de septembre, quand aussi en courant j'hurlais. Gendarmes, nous poursuivions les voleurs dans la cour de récré. Et en septembre, c'est à décembre que moi tout le temps je pensais. Même si je gelait à pierre fendre, c'est à Noël que je songeais. Lorsque nous habitions à Yange, au père Fouettard qui m'empêchait de cueillir les bonbons étranges, comme me revient le passé. Le temps s'est enfui, je n'ai rien compris. D'un coup, d'un seul oui, et me voilà grandi. C'est fou comme ce mois de septembre ressemble, comme j'avais oublié au jour à s'y méprendre, où j'allais le cœur léger. En sortant de ma chambre, j'entends encore maman chanter, me dire que j'étais son ange. C'est fou comme le temps m'est passé. C'est en septembre, je me souviens qu'un jour je me suis marié. Et c'est très vite, sans attendre, que nos enfants sont arrivés. Je les ai pris par la main au premier jour de la rentrée. Par une matinée de septembre, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et le temps s'est enfui, mais je n'ai pas compris. D'un coup, d'un seul oui, ouais, me voilà vieilli. Puis un jour à leur tour, les enfants ont quitté le nid. Moi j'ai quitté leur mère, plus d'amour, ainsi va la vie. Puis les petits sont nés, Dieu, comme j'aime entendre crier. Tous les matins vers 10h au fond de la cour de récré. Et le temps s'est enfui, et je n'ai pas compris. D'un coup, d'un seul oui, et me voilà papy. Et le temps s'est enfui, mais je n'ai rien compris. D'un coup, d'un seul oui, et c'est presque fini. Et le temps s'est enfui, personne n'a rien compris. D'un coup, d'un seul oui, et me voilà parti.